casse la sa tu que tu tiens moi. Si vraiment ni on bitende voilà. Faut me savoir ça t'a passé en pays là. Qu'a cherché de voilà. Tu veux ça qui bon, on me pèse à goûter. Qu'a cherché de voilà. Qu'a cherché de voilà. Gardez pays là, mon cas observé. C'est un côté que mon cadre. Maintenant, moi, c'est toujours éclairé. Gardez en travers, je vous dis qu'il y a les cas pays là, qu'on commence à battre. Cherchez des walls pour nous toucher. Au moins, t'es ça, aller coucher dormir. Chercher des voilà, quand chercher des voilà. Sentir des voilà très tard dans la nuit. Un bacas la sacrée que vous tiens moi. Si vraiment ni un but des voilà. Ça t'a passé en pays là. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. You want me to, I will say. Yeah.